Bonjour amis Scorpion et bienvenue dans votre petit tirage de l'oracle de Béline pour ce mois de mars 2023. Que va vous dire l'oracle? Quel est son conseil? Alors la coupe, bon, déjà il faut la regarder, c'est quand même mieux. Donc ça me parle de groupe, de découvertes, de choses que vous attendez peut-être de la part d'un groupement de personnes. Ça peut être un groupement professionnel, ça peut être une société, ça peut être aussi votre famille. Bon, ben on va voir le tirage alors. Pour les scorpions, quel est le conseil de ce mois de mars 2023? Pardon, j'embarque tout là. Alors, c'est vrai que il y a des entreprises. Alors là, ça me parle de bonnes nouvelles. Alors le groupement, ben, il pouvait être le groupe en question. Moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi professionnel, comme je vous l'avais dit dans la coupe. Ça peut être une société, un ensemble de personnes. Et là, j'ai un contrat, un engagement socio-professionnel très très avantageux pour vous, qui se profile pour vous au mois de mars. Et donc, on a l'impression que par rapport à des obstacles, à un blocage que vous aviez, eh bien, c'est grâce à des amis ou en tout cas des connaissances que vous allez peut-être trouver un emploi ou trouver une solution au sein de votre travail ou faire avancer un projet commun, une entreprise commune. Donc de toute façon, apparemment, ça y est, les choses se décantent. Je rappelle que la carte bleue, elle donne un côté positif à l'ensemble du jeu et en plus, elle rayonne ici sur le jeu. Donc vraiment, c'est extrêmement positif. C'est un mois où dans votre vie pratique, votre vie socio-professionnelle, eh bien, il y a de la nouveauté, les choses se décantent, les choses s'arrangent et les bonnes nouvelles arrivent. Vous pouvez compter, en tout cas, sur des gens qui vous affectionnent et qui ont vraiment décidé de vous aider. Voilà. En tout cas, bon mois de mars.